mélanger. Plus les jours passent et tu perds la tête. Des larmes t'en as versé. Malgré les menaces de ses proches, tu t'es tué, tu t'accroches et tu restes fort quoi qu'il arrive. C'est toujours les mêmes qui t'empêchent de vivre, tout le monde sait. Qu'on appelle le mauvais Joe, lui c'est un mauvais Joe. On l'appelle le mauvais Joe, lui c'est un mauvais Joe. Et je sais que t'as blessé ma chérie, mais ça va aller. Faut pas pleurer, ça va aller. Il t'a fait du mal, mais ça va aller. Faut pas pleurer. Et je sais que t'as blessé ma chérie, mais ça va aller. Faut pas pleurer, ça va aller. Il t'a fait du mal, mais ça va aller. Faut pas pleurer. Ne laisse pas marcher dessus, t'es une femme forte, on le sait. Beaucoup de garçons t'ont déçu. C'est pas ta faute, on le sait. Tous ceux qui n'ont pas cru en toi, la roue tourne, on le sait. Ne perds jamais confiance en toi, rien n'est perdu, tu le sais. Hey, yeah. Et je sais qu'il t'a blessé ma chérie, mais ça va aller.